Je veux dire, on a testé la queue, je me sens même pas prête. Je sais pas si j'espère qu'il y aura un résumé si je suis arrivée à toi. Mais un peu, alors, parce que quand c'est la veille, on n'a pas le temps. Voilà. Moi, c'était une grande forme avec. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est un bon moment. Elle a dit qu'elle mettrait les résultats, mais elle n'a toujours pas vu. Mais j'ai vu qu'un un résultat d'un test. En fait. On a les deux résultats. C'est sur l'usée, ou okay. Faut aller dans le on est déjà sur la semaine 6, et puis c'est marrant, ça veut dire qu'on est presque à la moitié du deuxième quart. Il y a déjà les examens, hein, les horaires. Mais on n'a toujours pas, on a raté dans le. Ouais. Mais quand j'ai lu la description que tes méchants avaient mis, j'ai pas bien compris comment ça peut être un examen si on doit visualiser. Tu sais, il y a écrit lire ou visualiser un truc journaliste. Mais visualiser, je sais pas. Alors nous, on allait passer si c'était un projet avant. Après, elle est passée, ils n'avaient pas l'examen. Parce que du mari, on verra. Thank you.